Selon le journal d'internet sud-coréen Tonglius, le comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, l'action nationale contre la guerre et pour la paix, la solidarité nationale des femmes, la société des mères pour la paix et autres formations, et les habitants de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord ont organisé le 15 sur la place de Gwanghwamun à Séoul un meeting d'action des femmes pour la paix dans le monde contre le SAT et la guerre.